Votre plus récent bulletin d'information de sport local et régional au microphone de Danny Veilleux. On va ouvrir le bulletin de sport local et régional en parlant d'abord de la Ligue du Lac au Fleuve qui a fait connaître ses trois étoiles de la semaine de la Ligue. Il s'agit d'abord de Simon Tremblay du multiconcessionnaire de Boom-Sessigny. Il a marqué au cours de la dernière semaine, il a marqué 2 buts, 2 passes pour 4 points. Nicolas Pronovo, également du multiconcessionnaire, a eu la deuxième étoile avec une fiche de 3 buts. Et Michael Drolet, également du multiconcessionnaire, a marqué 1 but et a amassé 3 passes pour mériter la troisième étoile de la semaine. Et puisqu'il est question de la Ligue du Lac au Fleuve, on a parlé avec Éric Schmitt, l'entraîneur des excavations à Savard de la Haute-Côte-Nord, et il nous parle de son équipe cette année. Ben, on se sent bien. Écoute, on est dans notre troisième match, donc c'est sûr qu'on a une équipe beaucoup plus jeune. On va avoir à s'adapter, je pense, à créer une chimie autour de ces joueurs-là. Donc, on est là pour l'instant. Écoute, on essaie d'être compétitif, c'est ce qu'on veut. D'être compétitif dans ces clubs, je pense qu'on est capable de le faire. Maintenant, c'est sûr que les joueurs, après ça, à trouver sur la glace ce qu'ils sont capables de faire. OK. Et le recrutement est difficile pour l'équipe de la Haute-Côte-Nord. En tout cas, pour nous autres, Forestville, Salé, on a perdu beaucoup de joueurs, des noyaux de l'année passée, donc il a fallu les remplacer. C'est sûr qu'on est encore en recrutement. On a 50 joueurs tout près de signer pour pouvoir présenter une équipe au match. Donc, c'est sûr que les joueurs, tu sais, on a de cette île, on a un petit peu partout. Donc, c'est difficile de les faire déplacer, genre à Mistassini pour un samedi soir. Fait que c'est là vraiment notre réalité. J'avais-tu un noyau important? J'avais-tu un noyau quand même intéressant? Oui, un noyau. Parlons de judo maintenant. Il y avait une grosse compétition de judo en fin de semaine à Montréal. C'était une compétition très relevée. 1150 judoka est en action et il y a deux judokas de Dolboum-Sessigny qui ont remporté des médailles. D'abord, il s'agit d'Émilie Drolette chez les U14 qui a remporté la médaille d'argent et Catherine Gauthier a remporté la médaille de bronze dans sa catégorie. Maintenant, on va parler du côté de curling. Il y avait un tournoi de curling des retraités. Ça s'est déroulé au cours des derniers jours. Donc, dans la classe, à noter que dans la classe A, un gain pour Dominique Caouette qui a défait Jean Lamotte. Dans la classe B maintenant, à noter que Claude Villeneuve a défait Léonce Allaire. Classe C, un gain pour René Plourde sur J.H. Girard. Et en classe D, il y avait une autre compétition. Et c'est un gain pour Nelson Bernard. Le sport local et régional à danradiosport.com. On s'en occupe.